2. La grève des confitures. Flagadelle fredonne la célèbre chanson « Mon beau sapin » tout en dansant avec les guirlandes comme si elles étaient des rubans de princesse, sous le regard passionné de Picaouette, qui se met à chanter lui aussi, mais pas très bien, ni très juste, et un peu trop fort. Picaouette. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Trompette, oh, Picaouette, ferme ton bec. Picaouette, j'ai peau de bec, monsieur trompette, je te ferai dire, je suis un ver de terre et chez nous, on a peau de bec. Trompette. Non, mais vous avez de grandes bouches et vous parlez comme des pipelettes. Et toi, en plus, tu chantes faux. Ça me fait mal aux oreilles et ça m'empêche de lire mon journal. Picaouette. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ai-je bien entendu? Je chante faux? C'est la meilleure de la journée, celle-là. Sachez, jeune galopin, que j'ai failli être chanteur professionnel, moi. Mais je n'ai pas voulu. Trompette. Mais oui, mais oui, mais oui. Et moi, j'aurais pu être le roi du monde, mais je n'ai pas voulu. Picaouette. Mais c'est qu'il se moque de moi en plus. Flagadelle, je ne rêve pas. Dis-moi que je ne rêve pas. Flagadelle. Vous avez fini de vous chamailler pour un oui, pour un non. Pendant les fêtes de Noël, vous pourriez enterrer la hache de guerre et arrêter de vous disputer. Picaouette. C'est vrai, tu as raison, Flaga. C'est la grève des confitures, on va faire la paix. Flagadelle. La trêve des confiseurs, Picaouette, pas la grève des confitures. Trompette. La grève des confitures, n'importe quoi. Picaouette. Flagadelle, retiens-moi ou je fais un malheur. Trompette. Ferme ton bec, Picaouette, qui caquette comme une poulette. Flagadelle. Maintenant, ça suffit tous les deux. Ou je vous transforme en bûche de Noël. Trompette, tu lis ton journal. Et toi, Picaouette, tu chantes, si tu veux. Picaouette. Ah, tu vois, trompe, Flagadelle, en sourdine. Picaouette, chuchot chantant. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime la confiture. Vous chantez avec moi, les amis? Mais en sourdine, ça veut dire pas trop fort. Mon beau sapin, roi des forêts, j'aime aussi les fritures. En chocolat et en guimauve, en sucre d'orge et en chouchou. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Flagadelle. Voilà, notre beau sapin est décoré. Il ne manque plus que nos chaussons sur les branches. Picaouette. Nos chaussons? Mais je suis un ver de terre, Flagadelle, je n'ai pas de pied. Trompette. C'est vrai? Picaouette est un ver de terre, pas un ver à pied. C'est pas un ver à pied. Mais il chante comme une timbale, pas de bol. Picaouette. Flûte! Flagadelle. Mais arrêtez, vous êtes fatigant à la fin. Faites la paix, s'il vous plaît. Allez, serrez-vous la main. Picaouette. Ah ben bravo, Flagadelle, si toi aussi tu t'y mets. Flagadelle. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Trompette. Serrez-vous la main. T'as dit la main. Picaouette est un ver de terre, il n'a ni pied ni main. Flagadelle. Oh, pardon, Picaouette, je n'ai pas fait exprès, tu le sais très bien, tu me connais, n'est-ce pas? Picaouette, vraiment vexé. Je pensais te connaître, Flagadelle, je suis très déçu. Je vais me coucher, puisque personne ne me respecte aujourd'hui. Picaouette disparaît dans son paquet cadeau. Flagadelle. Pauvre Picaouette, tu ne devrais pas te moquer de lui comme ça, Trompette, tu sais qu'il est susceptible. Trompette. Mais c'est juste pour l'asticoter un peu. Je l'aime bien, mon petit asticot tout vert. Flagadelle. Mais tu sais bien que ça le rend triste quand tu te moques de lui. Tu es son modèle. Il voudrait te ressembler. Et moi aussi. Trompette. Toi aussi, tu voudrais me ressembler? Flagadelle. Mais non, Nigo. Moi aussi, ça me rend triste quand Picaouette est triste. trompette. Bon, je lui présenterai mes excuses tout à l'heure. Je n'aime pas quand tu es triste, Flagadel. Nous ferons la grève des confitures, je te le promets. Flagadel, ce que tu peux être taquin. C'est alors que le carillon de la porte d'entrée se met à sonner. Ding dong. Picaouette surgit de son paquet, tel un petit diable à ressort. Picaouette, on a sonné, c'est le Père Noël, je suis sûr que c'est le Père Noël, vite, vite, vite, je vais me cacher. Et il disparaît aussi vite qu'il est apparu. Flagadel, mais non, Picaouette, le Père Noël ne sonne pas aux portes, et il ne passe pas avant Noël. Trompette, et il passe par la cheminée, monsieur Picaouette. Picaouette, ah oui, et quand on n'a pas de cheminée, comment il fait pour entrer dans nos maisons, le Père Noël? Ha, il ne sait pas, monsieur Trompette. Flagadel, moi non plus, je ne sais pas. Je sais seulement que le Père Noël a un secret pour déposer des cadeaux, mais je ne connais pas ce secret. Trompette, c'est le secret de Noël. Le carillon retentit de nouveau. Ding dong. Picaouette réapparaît comme un petit diable. Picaouette. On a sonné, c'est le Père Noël, je suis sûr que c'est le Père Noël, vite, vite, vite, je vais me cacher. Et il disparaît aussi vite qu'il est apparu. C'est alors que l'on entend une voix grave derrière la porte. La voix. Télégramme pour Flagadel. Flagadel. Un télégramme pour moi? J'arrive. Flagadel sort du salon pour aller ouvrir la porte. Trompette. Picaouette. Picaouette. Moi? C'est moi qu'on appelle? Trompette. Oui, toi, petit ver de terre tout vert qui sort la tête de sa boîte l'air de rien. Tu n'es pas du tout discret. C'est quoi un télégramme? Picaouette. Un télégramme? Aucune idée. C'est peut-être une télé qui pèse un gramme? Trompette. Peut-être. Pardon pour tout à l'heure, Picaouette, je ne voulais pas te vexer. Picaouette, je ne t'en veux pas, Trompette. Tu es mon copain, un peu comme mon grand frère. On se dispute, mais on s'aime bien. Et puis, c'est la grève des confitures. Trompette, tu as raison, Picaouette, c'est la grève des confitures. Trompette s'approche de Picaouette et lui fait une bise. Flagadel revient, une grande lettre dans la main. Flagadel. « Mais qui peut bien m'envoyer un télégramme ?» Trompette. « Ah, c'est ça, un télégramme ? Il ne pouvait pas t'écrire sur Instagram comme tout le monde ?» Flagadel. « Nous sommes dans une histoire magique, Trompette. Ça n'existe pas, Instagram, au pays des miracles. » Picaouette. « On peut jouer à Amstramgram, si tu veux. » Trompette. « Piquer, piquer, coller, gramme. » Picaouette. « Bourré, bourré, ratatam. » Trompette et Picaouette. « Amstramgram. » Flagadel. Chut! Je vais lire le télégramme. Flagadel ouvre la grande lettre dans un silence total. Trompette et Picaouette regardent et écoutent leur fée préférée, toutes oreilles grandes ouvertes, même si l'on ignore où sont situées les oreilles de Picaouette.